des faits. On appelle ça mourir. L'aliment lui-même, on ne l'irradie pas suffisamment, étant donné que son énergie vibratoire, son corps vital est plus évolué, il ne se défait pas. Il est mort, une chance, parce qu'il ne peut pas prendre une pomme qui est verte, irradier-la, elle ne deviendra pas rouge. Elle est finie. Donc, la vie quitte lors de l'irradiation, ce qui fait que si on mange des légumes irradiés, par exemple, c'est comme si on mangerait de la viande du point de vue de l'énergie vitale, on ne se nourrit pas plus vitalement. Étant donné que l'être humain, ce qu'il a besoin, ce n'est pas tellement la matière plutôt que de l'énergie, l'énergie contenue dans des molécules de fer est utile au corps vital de l'homme. Et étant donné que cette forme d'énergie n'est transportable que par des molécules de fer, l'homme mangera donc des aliments qui contiendront du fer. Certaines formes d'énergie que le corps a besoin vont être synthétisées, c'est-à-dire que la forme énergétique, l'onde de forme, va être orchestrée à l'extérieur de l'homme. Et ces orchestrations énergétiques donnent un support, un bon coup de pouce dans l'attaque que va faire le corps physique de l'homme sur les aliments, la digestion. Ces trucs, on peut les appeler vitamines. Alors, nécessairement, lorsqu'on a passé ces choses par les radiations, eh bien, on a quand même changé énormément le facteur vital de l'aliment, ce qui fait que l'aliment nous apporte encore le minéral, mais il nous apporte beaucoup moins d'énergie vitale qu'on aurait besoin. C'est comme de me prendre, par exemple, de la vitamine C dans une orange. Pour avoir le même résultat en absorption de vitamine C chimique, il faut en prendre plus de vitamine C chimique. C'est moléculairement la même constitution, énergétiquement, c'est bien différent. Et le corps physique a besoin de l'énergie, non pas juste de la molécule. Sans provoquer des Tchernobyl au Québec, est-ce que ça accélérerait la mutation? Il faudrait que l'être humain soit un petit peu plus solide physiquement. Et l'être humain qui est totalement placé dans un cadre d'irradiation, il faut que son corps physique soit suffisamment solide. Si on regarde les quelques personnes qui ont survécu aux deux explosions des petites allumettes à Hiroshima et à Nagasaki, ils ont survécu. Leur corps physique avait une génétique leur permettant de survivre. L'énergie vitale était suffisamment vibratoire pour ne pas trop être altérée par l'explosion de ces deux bombes nucléaires. Aujourd'hui, on ne procède plus par fission de l'atome, on procède par fusion de l'atome dans les bombes nucléaires. On parle de bombes hydrogène, de bombes thermonucléaires. Et le corps physique de l'homme n'est pas encore suffisamment prêt pour être capable de supporter une immense dose de radiation. Par contre, veut pas, l'irradiation planétaire, si elle a lieu, va donner un coup de pouce, finalisant à plusieurs corps physiques, alors que les autres vont simplement être suffisamment altérés pour ne pas pouvoir se reproduire et pour simplement mourir. Et c'est par le processus de la réincarnation que les phénomènes évolutifs, soit mixtes, soit espritiques, vont revenir dans des corps qui auront été engendrés par les individus survivants. Mais on aura procédé par l'évolution darwinienne, éliminer les corps qui ne peuvent pas s'adapter. Mais ce n'est pas à suggérer une chose certaine. Pour accélérer l'évolution, ne faisons rien. Laissons faire le reste de l'humanité. De toute façon, c'est archangéliquement très bien orchestré et c'est très bien fait. Ça va suffisamment vite. Je me suis évadé toute ma vie dans le sexe. Et maintenant, j'ai le goût, je me sens prêt. Bon, la personne a maintenant le goût, elle se sent prêt sans être forcée à vivre une relation saine. Est-ce une manipulation de mon ajusteur de pensée? Les vieux archétypes, la vieille structure animale, familiale, léguée dans ce personnage, a été lentement transformée, transmuée, alchimisée, mutée, comme on voudra. Évoluer par la vie de l'individu. Alors, lentement, son ego a été instruit et nécessairement, ce qu'il veut exprimer est différent. C'est aussi une manipulation de fusion dans le sens fondre de l'ego créé par un ajusteur de pensée. Me semblait avoir transmuté tout ce qui est de l'ego. Allez-vous vous réincarner? Ah, l'avenir est toujours en mouvement, n'est-ce pas? Il y en a qui ont des archétypes bien ancrés. Quelle sorte d'âme habite Pierre Lacroix, l'homme qui prêche, faites ce que je dis, non ce que je fais? Voyez-vous, peut-être que Pierre Lacroix a une seule chose. Peut-être qu'il a une seule lacune. Peut-être que le reste est parfait. Sa lacune est peut-être parfaite pour faire un scandale. Mais une chose certaine, c'est comme je vous ai déjà expliqué, lorsqu'un médecin qui fume vous dit « cessez de fumer, vous allez mourir », écoutez-le. Il a sans doute raison. J'ai un ego Challenger plutôt que Discovery. Le style a explosé en plein vol avant le largage de l'ego par l'esprit. Se peut-il que l'esprit ne sache pas qu'il y ait des égos challengers et qu'il demande à ces égos une trop forte tension pour leur joint d'étanchéité? Le parallèle est intéressant, mais effectivement, il y a des ajusteurs de pensée qui sont collectifs. Tiens, on a mis un meuble ici devant vous. Il y a effectivement des égos qui sont assujettis, connectés à des ajusteurs de pensée qui ne sont pas expérimentés. Il y a des ajusteurs de pensée collectifs, il y a des ajusteurs de pensée individuels, des ajusteurs de pensée personnalisés, pré-personnalisés, super-personnalisés, expérientiels, existentiels. Il y a des ajusteurs de pensée qui ont de l'expérience, des ajusteurs de pensée à type melchisédien, d'autres à type MTS, martyr de la transition supramentale. Et nécessairement, lorsqu'on a un ajusteur de pensée qui n'est pas expérimenté, ce sont des choses sur lesquelles je reviens beaucoup plus au niveau du séminaire. De temps en temps, si on fait une conférence sur le sujet, évidemment, on va le couvrir. Une période de questions, c'est un peu long. Alors, il y a des ajusteurs de pensée qui ne sont pas expérimentés, qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est que de l'ego, qu'est-ce que c'est que de l'âme, qu'est-ce que c'est que de la souffrance humaine. L'ajusteur ne souffre pas. L'esprit ne souffre pas. Mais quand même, l'ajusteur doit ajuster la descente de l'esprit en fonction de l'homme qui, lui, souffre. Oh, l'intelligence s'en fout, elle ne souffre pas. Et l'intelligence doit se dire, bon, ben, je touche ici, pas plus, ça fait mal. J'ai aucune idée comment. Mais l'expérience de l'ajusteur l'instruit. Lorsqu'un individu a un ajusteur suffisamment, insuffisamment expérimenté, effectivement, il peut vivre un peu comme un challenger. Il décolle, il revient, il décolle, il revient. Il peut exploser. Il ne sait pas si on va vérifier ses joints d'étanchéité avant. Alors, s'il y a trop de fuites d'intelligence à travers de l'ego, mal ajusté, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui arrive dans un cas où, effectivement, l'individu est totalement manipulé par un ajusteur de pensée qui n'a pas d'expérience, et s'il n'y a aucun ajusteur ou de canal collectif ou d'ajusteur collectif près de lui pour ajuster ou instruire son ajusteur de pensée, qu'est-ce qui peut arriver? L'individu peut se suicider, il peut virer fou, il peut s'en sortir. Habituellement, on s'en sort. Mais ça dépend de l'ego. Le joint d'étanchéité pourrait être l'ajusteur qui permet trop d'énergie pour ce que l'ego peut prendre. Voilà, c'est en plein ça. La personne a quand même un ajusteur intéressant qui répond à ses questions, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu qu'en expulsant l'antihomme, d'autres vont le récupérer? Ils vont le récupérer si l'antihomme n'est pas dissous par l'individu qui est rendu à une étape de fusion avec son double éthérique pour le digérer. Le double éthérique, c'est ce qui est constitué avec les traces de l'éclatement de l'âme. Lorsque l'être humain vit un éclatement de l'âme, les constituants de l'âme servent à quelque chose d'autre. Et les constituants de l'âme sont rejetés dans le plan moronciel, un monde de transition entre la vie et le monde de la mort, là où vont les âmes. Et lorsqu'à un moment donné, si le corps physique n'a pas la capacité de supporter l'âme plus pure ou pure, et lorsque le corps meurt, l'âme pure ou plus pure, dans le plan moronciel, n'est pas attiré par le monde de la mort, on l'a vu à un moment donné, dans une des dernières conférences, et il se dirige vers cette copie conforme de l'âme pure, le double éthérique. Alors, lorsque le double éthérique est en fusion avec le corps physique, lorsque l'intelligence peut s'exprimer maintenant directement par le biais du corps physique, sans passer par un anima, par une âme, il y a expulsion de tout ce qui, archétypalement, fait référence à ce qu'on appelait les forces luciférienne. Et cela est soit digéré, soit rejeté, bien souvent c'est rejeté. J'appelle cela l'antihomme parce que cela fait partie des vieilles mémoires qui justement ont été enregistrées lorsque l'intelligence a commencé à se refroidir pour toucher l'homme. Cela fait partie des mémoires d'involution et cela ne fait pas partie des mémoires d'évolution d'ascension qui font partie des mémoires égoïques de l'homme. Alors j'appelle cela l'antihomme. Alors il vient un temps où l'antihomme peut être rejeté, allant grossir les effectifs soit sataniens, soit arimaniens, soit lucifériens, Et comme on l'a toujours constaté, plus on évolue dans le bien, plus le mal évolue dans le mal. C'est normal. L'évolution de l'homme est le rejet de ce qui n'est pas bon. Le rejetant, l'extérieur devient de plus en plus maléfique. Il ne faut pas le laisser filer dans la nature. Qu'en est-il vraiment? La personne, on pourra... Bon, qu'en est-il vraiment? Premièrement, ça dépend de l'état du corps physique lorsque l'antihomme est expulsé. Si le corps physique est suffisamment en état, nécessairement, l'esprit dans l'homme sera capable de limiter l'antihomme et de le digérer, donc de finaliser la négoïsation totale de ce mécanisme, ce qui ne servira pas au monde de la mort ou encore aux trois forces que j'ai énumérées, Ahriman, Satan ou Lucifer. Par contre, si le corps physique n'est pas en état, soit par épuisement vital, donc immense fatigue, etc., il y a des fortes possibilités pour que l'antihomme s'échappe. Puis après, bon, ça ira et à négoïser plus rapidement le reste de la planète, c'est tout. Ici, c'est comme chez McDonald's. On peut commander des doubles avec ou sans fusion. Voilà toute la question. Est-ce qu'un double avec fusion coûte plus cher que sans fusion? Est-ce que la différence de prix est et de saveur? En passant, quand on a des questions dans le genre qui peuvent nous faire rire parce que c'est drôle, mais des fois on rit parce qu'on trouve ça con. Mais une question dans le genre d'une question à parallèle. Un individu qui a la faculté de faire des parallèles est un individu qui a la faculté de comprendre. Pas juste d'apprendre, de comprendre. C'est un individu qui est capable de se servir des structures autour de lui pour exprimer, pour instruire à son ego l'intelligence qui cohabite avec lui. C'est un peu comme l'individu serait capable d'écrire une Bible, quoi. Alors, on peut rire, parce que c'est drôle, mais c'est la preuve de que l'intelligence habite l'individu qui pose la question. Donc, ici, comme chez McDonald's, on peut se commander des doubles. Ouais, de métairie. Hein? Avec ou sans fusion? Voilà toute la question. Est-ce qu'un double avec fusion coûte plus cher que sans fusion? Il est spécial aux étancies. Quelle est la différence de prix et de saveur? Un double, avec ou sans fusion, ne goûte rien pour l'ego, parce que c'est le corps qui le mangera, c'est l'esprit qui va le donner, l'ego n'a rien à voir là-dedans. Y a-t-il un service au volant, c'est-à-dire qu'on nous l'apporte sans qu'on ait à se déplacer? La problématique du service au volant, c'est que lorsqu'on est appelé à quelque chose d'urgence quelque part ailleurs, on ne peut pas sortir. J'ai des colonnages de béton, des chars en avant, des chars en arrière, on doit attendre. J'ai déjà connu ça quand je faisais de l'ambulance. Puis ils mettent la sirène pour que tout le monde s'en aille en laissant leur commande. Ça ne marche pas. Alors, on doit attendre en espérant que les gens vont trouver leur charge, que le Big Mac va être prêt. L'évolution n'est pas un McDonald's. Il n'y a pas d'évolution fast-food. Il y a des gens qui recherchent des trucs. Il y a des maîtres qui disent « Suivez-moi, et en dedans de X temps, vous serez ceci. » J'ai déjà expliqué dernièrement à des séminaristes que les personnes qui font mon séminaire ou les personnes qui font le programme Maître Contrôleur n'évoluent pas plus vite. Ils payent plus d'argent. Ils n'évoluent pas plus vite. Ce soir, en venant ici, vous n'apprendrez pas à évoluer plus vite. C'est impossible. Vous ne pouvez pas évoluer plus vite. Par contre, vous pouvez évoluer plus agréablement, ce qui est très différent. Et je ne peux pas vendre de l'évolution rapide. L'être humain évolue selon son propre rythme, selon le rythme de l'ajusteur de pensée, selon le rythme de son esprit, donc de son intelligence, selon le rythme de son corps physique, selon le rythme aussi de l'agression que va faire la vie chez lui. Par contre, en comprenant des choses, en conscientisant des mécanicités, il adoucit, il élimine la souffrance, normalement reliée à l'évolution. Tout. Je ne peux que rendre l'évolution plus agréable, moins souffrante, plus plaisante, pas plus vite. Et si quelqu'un un jour vous dit pouvoir vous rendre l'évolution plus rapide, allez-y ou n'y allez pas. Si c'est vrai, courez après. Je courrai avec vous. Tu es toi-même un virus pour l'âme. C'est évident. Je suis un destructeur d'âme. L'âme te laisse entrer parce que tu emploies un code ADNique compatible à elle. L'âme me laisse entrer parce que l'âme est un phénomène exécutif alors que l'intelligence instrumentale est un phénomène ordonnatif. Voilà. Quand elle lit ton vrai code, il est trop tard. Elle est décapositive. C'est sa décadescence. Sa décagitation, n'est-ce pas? On a des gens très intéressants. L'âme lit-elle ton vrai code toujours trop tard? L'âme lit toujours le code de l'intelligence toujours trop tard. Mais pour lire le code de l'intelligence, l'individu doit être intelligent quelque part chez lui. Donc, ce n'est pas moi qui pénètre chez lui. Moi, je ne fais que créer du vent. C'est tout. Si dans l'air, il y a un paquet de fréquences au niveau des ondes hertziennes, des ondes radio, l'onde radio ne pénètre pas dans une radio comme ça sans que la radio le veuille. Si la radio est finalement syntonisée sur ce poste, l'onde pénètre. Ce n'est pas que l'onde veut pénétrer, c'est que l'onde qui passe pénètre. C'est tout. Pourquoi, quand je suis allé chez le dentiste il y a 3 semaines, il a dû me piquer 3 fois? J'en suis devenu incapable d'ouvrir la bouche, peut-être parce que vous aviez une trop grande gueule comme moi. Et il y a de la difficulté à manger. Pourquoi ceci est-il arrivé? Explication facile, vous êtes tellement évolué, tellement réchauffé qu'on a de la misère à vous geler. Observez ce qui vous arrive. Il a dû vous piquer 3 fois, peut-être parce qu'il a pris une pause café entre chaque piqûre. Peut-être parce qu'il fallait geler 3 fois. Il faudrait vérifier anatomiquement où il vous a piqué. Et il y a aussi une chose certaine, c'est que les corps physiques ne sont pas tous pareils, ce qui fait que l'axylocaïne et ce genre de produits ne donnent pas les mêmes effets dans toutes les bouches. Hein? Existe-t-il un temps limite pour une jonction entre 2 futurs possibles? Ou si la jonction même d'un futur possible à l'autre constitue en soi un de ces futurs possibles? Cela est tout vrai. Il y a dans l'avenir tous les futurs possibles. Il y a dans le passé qu'un seul passé, que nous pouvons changer. Et il y a un choix d'humanité qui sera fait, pris par l'humanité dans les années à venir. Un choix d'intelligence ou un choix de psychologie. Un choix d'intelligence ou un choix de croyance. Un choix d'intelligence ou un choix d'espoir. Et il y a effectivement un temps limite où l'humanité devra faire ce choix. C'est-à-dire que l'humanité a déjà fait le choix. Il y a un temps limite réversible à ce choix. Et celui qui, en pilonnant le monde de la mort ou la conscience de la collectivité planétaire, celui qui le fait peut extendre, repousser la limite dans le temps. Et tout. Lorsque le choix sera pris, on ne pourra pas revenir. Quelle différence y a-t-il entre la liberté et le libre-arbitre? Quand tu dis que la conscience a la liberté, mais pas de libre-arbitre. La conscience, elle est libre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas colorer une conscience. On ne peut pas donner de l'illusion à une conscience. On ne peut pas manipuler une conscience en lui disant « Mange la pomme, tu seras meilleur que Dieu. » Non. Par contre, la conscience, n'ayant pas encore la capacité d'être totalement exprimée par le corps physique, ne peut pas s'exprimer dans le corps physique et diriger le corps physique. La conscience n'est pas planétairement intentionnelle. Elle n'a pas de libre-arbitre. Un individu peut se rendre compte que ce qu'il vient de faire est con. Dans sa conscience, c'est clair. La conscience ne peut pas se faire leurrer. On a beau lui donner les raisons qu'on voudra, dans sa conscience, ça restera clair. La conscience n'est pas manipulable, elle est libre. Mais il aura quand même fait une connerie. Comme je dis souvent, celui qui veut se mettre à la diète, celui qui, dans sa conscience, se rend compte qu'il doit faire attention à son corps et qui est mal pris entre un gâteau, un gros gâteau qu'il aime, et un fruit, et qui finit par prendre le gâteau pareil, n'est pas de libre-arbitre, mais dans sa conscience. Même si l'intellect lui dit « Off, mais de temps en temps, off, mais la conscience reste claire. » La conscience est libre. Le corps physique, ainsi que l'animal humain, l'humain, l'âme, est totalement manipulé. Totalement manipulé. Il n'a aucun libre-arbitre. Les 3 milliards de futurs possibles, ça c'est en limitant quand même, vu du point de vue humain, ne constitue-t-il en réalité qu'un futur du point de vue extra-réactionnel? Oui, mais disons-le pas. Je n'ai pas de destinée individuelle. Comment puis-je avoir un plan d'âme? On n'a pas de plan d'âme. On a l'âme qu'on a. Hein? Au lieu de dire « elle me fait aller aux toilettes », je dis « elle me fait muter ». Tout ce qui fait « aller aux toilettes », et j'ai écrit « ch. Point, point, point. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, mais j'imagine que c'est ça, « aller aux toilettes ». Fait donc muter, et donc ce qui se fouettait mutait, si ça les faisait « aller aux toilettes ». Autrement dit, si la souffrance, si ce qui nous fait aller aux toilettes nous fait muter, ceux qui se martyrisent, donc ça les fait aller aux toilettes, mutent. Oui, exactement. C'est ça. Plus vous souffrez, plus vous mutez. Plus vous mutez, plus vous souffrez. Plus vous souffrez, plus vous mutez. Puis à un moment donné, on est rendu une mutation telle que c'est l'intelligence qui est supramentale qui commence à prendre de dessus. Et là, lentement, on devra abandonner, hélas, nos souffrances auxquelles on est habitué, par lesquelles on devient serein. Par lesquels on devient méritoire d'évoluer, par lesquels on devient sécure d'évoluer. À un moment donné, on ne souffre plus. On perd un doigt, puis on se dit, eh merde. Et là, on se dit, crime, qu'est-ce qui m'arrive? Eh oui, à un moment donné, on est obligé de cesser d'évoluer en souffrant. C'est dommage, c'est insécurisant pour l'ego, ça va permettre l'éclatement de l'âme pour l'ego. L'ego va prétendre, t'es plus humain, t'es un robot. Mieux vaut être un robot heureux qu'un humain malheureux. L'homme peut-il s'en sortir? Et après, son ajusteur lui ayant répondu à sa question, il pose, comment? C'est simple, très simple. Vous continuez à faire ce que vous faites et vous allez vous en sortir. Je ne dis pas venir ici. Non, non. Être humain manipulé. Comment? Continuez à faire ce que vous faites. Et sachez, tant qu'à croire, si on ne sait pas, croyez qu'il y a une raison intelligente sous-jacente à toute chose. Si on se compare à une bille dans une machine à boules, on comprend qu'on ne sait pas où on va. Mm-hmm. Par contre, si on savait où on devrait aller, la partie finirait plus vite comparativement à la résorption de l'univers. Si un jour, un être, un n'importe quoi que vous seriez capable d'écouter, ça peut être un dieu, un ange, un archange, un extraterrestre, un maître, un gourou, votre grand-père qui est décédé, qui réapparaît devant vous, n'importe quoi qui vous stimulerait à l'écouter et qui vous dirait, « Je vais te dire ce que tu dois faire. » Alors toi, pour évoluer plus vite, tu dois aller rencontrer les journalistes et dire que tu es le pied à la croix libéré de son corps, incarné ici parce que l'autre corps est trop vil. Et que maintenant, c'est toi, Pierre Lacroix, et qu'on doit te suivre. Est-ce que vous allez y aller? Non, hein? Mais si en plus, on vous prouve intelligemment que c'est ça que vous devez faire, et qu'en plus, on vous dit quand vous aurez ramassé les fidèles, à un moment donné, motivez-les à se suicider avant l'apocalypse. Puis vous comprenez l'intelligence de le faire. Vous êtes suffisamment intelligent pour tout voir. Vous ne le ferez pas. Si l'abeille saurait où aller, elle n'irait pas. C'est pourquoi elle ne sait pas où elle va ni où aller. De cette façon-là, ça lui permet d'accomplir l'écologie ou la mécanique écologique qu'elle doit accomplir sans trop souffrir. Un individu va dire, « Ouais, mais si tu serais intelligent, il ne ferait pas ça. » Ouais, mais tous les gens qui le suivent ont besoin d'un gars ou d'une fille comme ça. S'il serait intelligent, justement, il ne le ferait pas. C'est pourquoi, même s'il a la puissance d'intelligence, l'intelligence va oblitérer sa conscience pour rendre moins souffrant pour son ego le travail qu'il est obligé de faire. Adolf Hitler devait faire une guerre. Les races devaient se mélanger. Les peuples devaient fuir et les grégores juifs devaient être dilués. Expliquer à Adolf Hitler qu'il doit tuer dans le but de ceci, cela ou cela, un gars ne peut pas tuer comme ça. Alors, on lui donne une djihad, on lui donne une guerre sainte à faire, on lui donne une race aryenne à remonter, on lui donne l'hyperborée à conquérir, on lui donne plein de raisons émotives, et sachant ce qu'il fait, il le fait bien. Alors, si vous êtes une bille, roulez. On va sauter des questions blanches un peu, là. Ah, ils ont été écrits à l'envers. Il y en a qui sont pas mal bons, ils écrivent à l'envers. J'ai jamais réussi à le faire. Je suis obligé de virer le papier pour lire, même. Expliquez-moi pourquoi la vie est née bien avant les phénomènes amiques. Pour reprendre les termes de ta conférence. Alors que j'ai compris que l'âme naissait dès que la vie animait une forme matérielle. Quand je parle de la vie, je parlais de la vie dans le terme d'animation. C'est-à-dire que l'existence apparaît lors de la création. Et l'âme apparaît lors de la création de l'existence. Quand j'ai dit le terme « vie », je parlais de la vie animée, c'est-à-dire je parlais de ce que la science appelle la vie, principe débutant après les acides aminés, engendrant le phénomène qui va permettre la création des plantes et des animaux. C'est ce que j'entendais par la vie, faisant référence à ce que la science appelle aussi la vie, parce que la science considère que la matière est inerte, donc sans vie, simplement. Est-ce que les nouveaux courants faisant en sorte que plusieurs nations se fusionnent ou se fusionneront ont pour but, entre autres, de briser les égrégores nationaux, linguistiques, culturels, etc.? Oui. Allons-nous vers une homogénéisation des sous-égrégores pour ne faire que des super-égrégores? Oui, et finalement, un égrégore majeur, nous serons des terriens. Et nous serons régis par une seule forme de loi que les prophéties parallélisent en parlant d'un grand monarque. Blablabla. Est-ce suite à cette étape nécessaire ou partiellement nécessaire que surviendra l'Apocalypse? C'est pendant cette étape que surviendra l'Apocalypse. Soit dit en passant, l'Apocalypse n'est pas nécessairement destructeur du point de vue de la matière, mais l'Apocalypse est nécessairement un éclatement majeur de l'ego. C'est pourquoi ce ne sont que les théologies, les structures reliées à l'âme, qui parlent d'un Apocalypse et qui disent de faire attention, de faire ceci, de ne pas faire cela. C'est l'âme qui va éclater. L'homme va continuer, puis la conscience ne bougera pas. Je prends conscience de différentes personnalités réincarnatives qui m'habitent. De quelle façon la digestion se fait-elle ou est-il préférable et possible de les libérer? Qu'est-ce que c'est qu'une réincarnité pluralitaire fusionnelle? Bon, c'est des choses, encore une fois, sur lesquelles on revient au séminaire. La personne, elle l'a fait, donc elle pose des questions. À un moment donné, vous vous levez un matin, vous êtes heureux, tout va bien, vous avez réglé quelques problèmes, la vie semble s'ouvrir devant vous, vous allez travailler, vous aimez ça. Et après quelques 4, 5, 6, 7 jours, à un moment donné, paf, comme ça, la vie change de couleur. Vous venez simplement de recevoir dans votre âme une mémoire réincarnative. Ça se réincarne 24 heures sur 24. Et celle-ci vient vous colorer. Et vous devez la digérer, l'assimiler. C'est de l'énergie qui va servir à augmenter votre faculté d'égoïsme, à augmenter votre faculté d'orgueil, à augmenter vos émotions, vos désirs, à augmenter votre logifération, votre efficacité, le désir émotif de réussir, ce qui engendre de l'énergisation du mental et ce qui permet le contact avec l'énergie supramentale. Donc, c'est bien. Sauf que pendant un laps de temps, l'individu doit se replacer. À un moment donné, ça ne va plus pantoute. Elle vient de supporter peut-être un parent décédé ou une personne qui a des mémoires similaires à son corps physique et qui la réintègre. Est-ce qu'on doit les digérer ou les rejeter? Digérons, c'est comme si vous mangez quelque chose puis vous leur vomissez à chaque fois. Les Romains faisaient ça à un moment donné pendant les orgies. Et ceux qui n'aimaient pas vomir, c'est gros. Mais mieux vaut être amicalement gros, on est énergisé. Que représente du point de vue de mon évolution le fait d'avoir une âme très jeune? Bon, encore, quelqu'un lui a dit ça. Est-ce qu'une âme plus expérimentée est plus près de sa transmutation? Mais c'est simple, regardez-vous dans un miroir puis posez-vous la question. Êtes-vous plus proche ou plus loin qu'un autre? Si vous avez un ajusteur de pensée, il va vous répondre, tais-toi. Dans les deux sens. Hein? Tais-toi. Nous sommes de plus en plus pressés et nous manquons-nous de temps. Nous ne sommes pas, égoïquement, c'est évident que nous sommes de plus en plus pressés, c'est-à-dire que l'être, l'ego, ayant plus de mémoire réincarnationnelle, étant donné que nous avons la faculté de conserver beaucoup plus de mémoire et que nous sommes dans une humanité mémorielle quand même qui date de plusieurs milliards d'années, ou du point de vue de l'animal humain de plusieurs millions d'années et de l'humain de plusieurs milliers d'années, lorsque nous nous réincarnons, pluralitairement, c'est-à-dire que c'est un paquet de mémoire en affinité avec le corps physique qui vient se réincarner, et à l'adolescence, il y a une crise là-dedans pour essayer de savoir c'est qui va diriger, ça crée un ego pluralitaire, pluriconstitué, avec un paquet de mémoires différentes. Et chacun de ces petits égaux veut vivre son expérience. Alors, plus on a de mémoire à l'intérieur, plus de choses on a à faire pour satisfaire tout le monde en dedans. Alors, on est toujours pressé, parce que tu vas voir un film de temps en temps, mais celui qui veut voir des films, il n'y en voit pas souvent, puis tu veux faire ci, faire ça, ce qui accélère l'idée même de notre empressement à vouloir vivre. Manquons-nous de temps? Le temps, de toute façon, est une illusion. C'est parti du mensonge cosmique, c'est une quantité de matière. Alors, on manque pas de temps. Absolument pas. On a encore des milliards d'années. On le tend en masse. À présent qu'on peut survolter l'alter, l'athlète avec des stéroïdes, on peut, et peut-être avec l'électronique et des rayons, serait-il temps de cesser les compétitions? Sait-on pourquoi on compétitionne? On compétitionne pour se nourrir d'une émotion magistrale quand on voit notre drapeau grimper et on entend notre hymne national. En plus, on est tellement bien parce qu'on vient d'accomplir une tâche nationale, on nourrit tous les pays qui ont toute l'impression de gagner la même médaille que nous autres. Bon. On se bat pour les applaudissements, on se bat pour la médaille, on se bat pour battre les autres. C'est le rôle de l'animal humain. Malgré que dans l'esthétique, dans l'art, de certains sports, comme la gymnastique et le plongeon, la natation et d'autres formes de sport, on arrive à développer réellement la conscience de l'homme. Dans la majorité des phénomènes sportifs dirigés par les phénomènes politiques, on finance si tu gagnes. Vous savez que les égrégores qui habitent l'homme, comme les égrégores qui habitent le monde de la mort, ont toujours le désir de se diriger vers le gagnant. Plus les peuples gagnent de médailles, plus les égrégores vont vers ces peuples. Nécessairement, la guerre se fait toujours entre la Chine, ou du point de vue des égrégores, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Il y a d'autres pays qui, maintenant, gagnent, mais nécessairement, chaque égrégore veut gagner. Il y a des athlètes qui ont été interviewés. S'ils sont prêts à se droguer avec n'importe quoi, même s'ils meurent dans 5 ans pour gagner une médaille d'or. Alors, ce n'est pas de la compétition, c'est réellement une pétition de cons pour des médailles. Je ne généralise pas, il y a encore des artistes athlètes. Hélas, de moins en moins. Je dois aller en prison prochainement. Quelle attitude devrais-je prendre pour ne pas rester marqué par cette expérience? L'inconnu m'effraie. Il y a sur cette planète des milliers, sinon des millions d'individus qui paient régulièrement pour aller vivre un peu de temps de retraite. Certains vendent tout et rentrent dans des monastères dans le but d'évoluer. Un monastère où on leur dit quand se lever, quoi manger, quoi faire. D'autres vont dans des ashrams, d'autres vivent, rencontrent des maîtres, font de la méditation des heures de temps. Et d'autres n'ont pas le temps d'arriver à réfléchir ou à se retrouver parce qu'ils doivent faire vivre la famille, travailler, sont mal pris avec tout ce qui leur arrive. C'est évident qu'on peut aller comme dans un monastère, juste passer le balai puis sacrer tout le temps après Dieu. Comme on peut aller dans un pénitencier puis devoir chialer. Pénitencier est un terme faux. Vous n'êtes pas en pénitence. Ce qui manipule l'humain, ce qui possède l'homme, une partie de l'anti-homme a fait une connerie. Elle habite le corps, on met le corps en prison. La bonne partie, bien, elle habite le même corps. Ça va en prison, elle est avec. Sauf qu'en prison, pourquoi ça fonctionne le système pénitentiaire? C'est que l'ego, la partie mémorielle qui a besoin de faire des conneries, ne peut pas en faire. Ne pouvant se nourrir, elle s'oublie. Alors réellement, c'est le temps parfait pour permettre à l'homme et à l'être humain de prendre dessus. Alors, comment être marqué? Marqué. Soyez marqué positivement. Lorsque tu fais une prise de conscience et que tu te rends compte que l'orgueil, le cœur de ton ego, t'a manipulé toute ta vie comme un despote, te forçant de façon subtile à te punir, culpabilité par exemple, par humiliation subie, par des gestes autodestructeurs. Après une observation nette de ce tyran, quoi faire? Bien, achetez-vous un gâteau, puis fêtez! Pour lui faire face, pourquoi lui faire face? Tournez-lui le dos, ça va l'enrager noir. Et ne plus se laisser écœurer par cet orgueil maudit qui a empoisonné ma vie pendant tant d'années. Et là, c'est l'orgueil qui parle. C'est pourquoi je dis de tourner le dos. On n'affronte pas un ego de face, parce que l'ego se nourrit de votre face. Vous êtes tourné de dos à moi et je dis, t'es bien laid! Et vous restez tourné. Moi, je ne vois pas en tout ce qui se passe. Je ne vois pas votre grimace, je ne vois pas votre rougeur, je ne vois rien, je vois des cheveux. Alors, ça me frustre. Et là, je dis, va aux toilettes! Vous n'y allez pas, et vous ne vous retournez pas non plus. Je ne veux pas, à un moment donné, je me détruis. Mais si je réussis à vous faire retourner, là, je peux commencer à contrôler. Je vois, je dis, t'es laid, il ne se passe rien. T'es beau, ah, il rougit. Je peux commencer à savoir quels sont vos points faibles. Quoi faire pour lui faire face? Observez-le. C'est tout. Toute l'énergie qui sert à l'ego en frustration ne sert pas au mental en énergisation. Vous n'avez qu'à l'observer, ne soyez pas écœuré. Vous venez d'arriver à une réussite géniale, voir le fondement même de ce qui amiquement vous constitue. C'est le début de l'éclatement. C'est le début de l'anégoïsation. Vous vous voyez tel que vous étiez. Vous n'avez pas empiré. Et maintenant qu'on se voit comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fête. Et maintenant qu'on continue à se voir de même, observez-vous, vous êtes rendu à une étape géniale, vous êtes capable d'observer chez vous ce qui se passe, vous vous rapprochez d'être votre seul maître. On n'aura pas besoin de vous dire que vous êtes ceci ou cela. Vous le savez bien avant qu'on vous le dise. Ça ne vous empêchera pas d'être manipulé pendant encore un laps de temps. Prenez patience. La manipulation va finaliser le travail contre l'ego en cellularisant votre corps, en amenant la conscience dans votre tête. Patience. Vous ne voyez rien, vous vous en foutez. Commencez à voir, vous chiolez. Vous voyez au complet, vous voulez tout détruire. Si l'échafaud est encore utile, avant de l'ôter, attendez. Tantôt, durant votre conférence, je vous voyais en double. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que vous me voyez en double. Notez bien, je ne souffre pas de trop visuel. Ça, j'avais deviné. On ne pose pas une question quand on souffre de trop visuel. Souvent, très souvent, il y a un paquet de jugements, mémoires qui viennent donner des qualités ondes ou des noms, concepts à ce que je vois. Quoi faire avec cela? Vous observez quelqu'un, puis vous dites, « Oh, c'est quand même niaiseux, cette personne-là. » Après ça, observez-vous. Je n'ai du temps à perdre, hein? C'est simple. Vous avez la faculté de voir que vous êtes manipulé, donc votre ajusteur de pensée est là. Vous avez un mental observateur. Observez. Et ne pensez pas que ce qu'il vous voit comme ça, c'est vous. C'est de la manipulation de pensée. C'est tout. Vous avez une vile pensée. Ben Dieu, hein, qui n'a pas m'a donné. C'est simple. J'expliquais la semaine dernière. Vous voulez faire quelque chose, puis vous ne pouvez pas le faire. Ben, c'est pas de votre faute. Vous voulez ne pas faire et vous le faites. Ben, vous êtes manipulé. L'important, c'est comme j'expliquais, vous allez, par exemple, faire un vol à l'étalage. Ou vous allez faire un viol, un meurtre, n'importe quoi. Et là, quand on vous met en prison, on vous pose la question. « Est-ce correct? C'est ce que tu as fait? » L'individu répond « Non. » Puis là, le cave, il dit « Pourquoi tu l'as fait d'abord? » Celui qui l'a fait n'est pas celui qui vient de répondre « Non. » Et votre conscience, elle est intelligente. Elle ne s'exprime pas souvent parce que le virus, l'arme, est extrêmement présent. Ça vient avec le temps. Alors, il y a un paquet de jugements à mémoire qui viennent de me donner des qualités ou des noms, etc., qui me fait préjuger. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Observez, c'est ça l'ego. Ça prouve que ce que vous conceptualisez est vrai. C'est tout. Comme une personne qui dit, j'ai rencontré Satan, qu'est-ce que je fais? Bien, ça prouve au moins que Satan existe. C'est déjà le début. Mieux vaut travailler avec un ennemi qu'on reconnaît et qu'on connaît, plutôt qu'un ennemi qu'on espère. Parce que beaucoup de théologie espère les ennemis. On fait quoi avec? On l'observe. Exemple, je vois une fille automatiquement, il y a quelque chose en moi qui la juge, la compare, etc. Ben oui. Et trouver con ce que vous faites. Ouais. Quelqu'un qui peut trouver con ce qu'il fait est nécessairement intelligent, il n'est pas con. Ce qui est con, c'est ce qui se passe. Lentement, l'ego va finir par se dire, « Hey, le cave en haut qui m'envoie des manipulations, en me rendant d'autres. » Parce que l'ego ne pourra pas supporter longtemps de se voir observer comme étant con par le mental. Qui sont ceux qui parlent dans ma tête et comment les reconnaître? Ceux qui parlent dans votre tête sont des parties de votre ego qui proviennent de réincarnation pluralitaire. Comment les reconnaître? On s'en fout de les reconnaître. Ça n'a vraiment aucune importance. Ça ne vous dira rien de plus que de les reconnaître. Vous êtes, vous, en tant que mental et en tant qu'entité spiritique, autre chose que de l'âme, je l'ai dit au début. Est-ce que c'est plus efficace par rapport à l'égoïsation de ne pas réaliser les désirs? Ça dépend bien gros. Ça dépend énormément. Il y a des désirs qui sont des récompenses pour l'ego. Et il y a d'autres désirs qu'un égoïste trop l'ego. Et de temps en temps, on doit simplement vérifier qui est le maître, contrôleur à bord. Moi ou mon ego. Moi ou mes désirs. Moi ou mes impulsions. Moi ou... De temps en temps, on vérifie pour bien placer les choses. Il va souffrir, le cave. C'est sûr. Frustré. Mais c'est vous qui resterez le maître, contrôleur. De ne pas réaliser les désirs que j'ai si je vois que ceux-ci ne servent à rien, ne sont pas intelligents. Quand on a un désir qui n'est pas intelligent, si on a la puissance mentale pour le faire, on ne le fait pas. Cela anégoïse l'ego, fait sécréter l'ego, solidifie le corps, cellularise votre évolution et, évidemment, engendre l'éclatement de l'âme, ce qui va mener l'instruction par l'intelligence supramentale, par la voix de votre ajusteur de pensée de votre ego, engendrant la création d'un double éthérique qui, de toute façon, vous permettra de ne plus gagner le monde de la mort, même si votre corps tombe. Vous serez donc, du point de vue théologique, immortel. Quoi faire avec eux? Comment accélérer le processus de l'anégoïsation? Ben, je ne vous réponds pas. J'ai beaucoup de temps à consacrer à mon évolution consciente. Par contre, j'ai peu de contacts humains et pas de ressources matérielles pour m'anégoïser. Y aurait-il des choses à faire pour profiter de ce temps pour cellulariser au maximum? Oui. Comment s'orienter au niveau du travail quand, après plusieurs chocs, on ne sait plus vers quoi orienter ses énergies? prenez le travail le plus payant. Je vis un état de vide constant, une impression de vide. Le vide que l'être humain vit, c'est lorsque son canal réincarnationnel est étranglé. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il commence à ouvrir des portes, va étrangler le canal réincarnationnel par lequel descendent des stimulations astrales qui viennent stimuler l'ego. Un individu qui évolue trop rapidement peut voir son ajusteur de pensée suffisamment développé, le canal réincarnationnel totalement bloqué. Alors l'individu perd toute stimulation à la vie. Il n'est plus stimulé. Il s'assoit, puis tout devient con. Il n'est pas stimulé. Alors, à un moment donné, l'anti-homme peut décider de détruire le corps physique pour ne pas mourir d'ennui, s'oublier totalement et regagner le monde de la mort. On appelle cela un suicide. On ne doit pas se suicider. Premièrement, c'est inécologique. Deuxièmement, c'est con. Troisièmement, c'est une perte de temps. Ça prend tellement d'énergie à la planète au complet pour reconstituer un humain que quand il y en a un qui commence à évoluer, qui reste donc là? Qu'est-ce qui se passe? L'individu doit s'arranger pour fonctionner à partir de son intelligence. Cette intelligence n'est pas encore extrêmement exprimée. Elle doit quand même marcher par son intelligence et en profiter pour développer son auto-disciplineur, ce qui va la discipliner. Je ne sais plus vers m'orienter, blablabla, je vis des vides constants. Une impression de vide qui fait que je ne puis plus me guider par une motivation précise. Comment alors m'orienter? C'est ce que je viens de dire, pas de motivation parce qu'il n'y a plus de stimulation. Alors, posez-vous la question. Je suis vivant. Si je me tue, je vais être mort. Si je n'aime pas la mort, je ne sais plus ce que je vais faire. Disons que je vais revenir, disons que je vais rester, mais tout pareil. Fait que tant qu'à être vivant, autant rester vivant. Pour l'instant, au moins, je peux voir des choses. Deuxièmement, pour être vivant, mieux vaut être vide confortablement que vide inconfortablement. Alors, c'est logique de nourrir mon corps physique. Et puis, tout d'un coup, que mon vide est temporaire puis que je me réveille, j'aime autant me réveiller dans un corps en santé. Donc, je n'ai pas besoin de stimulation. Raison intelligente, entretenir mon corps. Le ramener en santé ici, c'est nécessaire. Tant qu'à trouver la vie conne, autant travailler. Tant qu'à trouver ce con, travaillons aussi plus enrichissant financièrement. Tant qu'à pas aimer le travail, de toute façon, tant qu'à trouver toute plate, autant être riche en trouvant sa plate. Pourquoi? Parce que quand on va se réveiller, on aura un compte en banque. Peut-être que là, on aura de l'énergie pour faire des choses. L'intelligence nous dictera peut-être quoi faire. Alors, on passe sa partie transitive de vide. Pas parce qu'il y a un étranglement du canal réincarnationnel puis l'ajusteur n'est pas encore assez placé, à orchestrer, mettre de l'ordre. On fait le ménage de sa maison, le ménage de sa sacoche, le ménage de son coffre de voiture. On place les choses. On s'assure si on n'est pas assuré, de façon à éliminer des agressions astrales à un moment donné. On perd tout, le feu prend, on se fait voler, puis on recommence à zéro. C'est con. Puis on se trouve un emploi. Puis si on fait de la recherche puis on n'en trouve pas d'emploi, bien on fait encore de la recherche pour des emplois sans trop vouloir en avoir absolument. Puis on attend. C'est une phase transitive de réajustement. On est en train de faire une vérification de toute votre mécanique. À un moment donné, bien, ça va repartir. Lorsqu'une voyante ou autre personne nous dit qu'on vit notre dernière réincarnation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le voyant et l'autre personne ne sait pas ce qu'il dit. Voilà ce que ça veut dire. Bon. Est-ce vrai? Est-ce vrai cette affirmation ou est-ce possible cette affirmation? Pas d'un voyant qui lit que dans le monde de la mort, non. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la dernière réincarnation? La dernière réincarnation voudrait dire que c'est de devenir immortel, donc que vous aurez un double éthérique suffisamment constitué pour qu'il se fusionne à votre corps physique de son vivant ou encore pour que vous le rejoigniez après la mort de votre corps physique dans le plan mort au ciel avant le ciel. Et nécessairement, vous ne mourrez pas, vous ne perdrez pas votre conscience et vous allez revenir. C'est ce que ça voudrait dire. Et un voyant ne voit pas jusque-là. Est-ce que la programmation neuronique de l'homme profane plafonne à cause de sa génétique? Explique. La programmation neuronique peut plafonner un laps de temps à cause de sa génétique. C'est-à-dire que s'il y a énormément de neurones dans le cerveau, par exemple, de l'homme, qui ne sont pas utilisables parce que la génétique a légué un cerveau qui est suffisamment endormi, on a des cellules qui sont là, mais qui ne sont absolument pas viables, c'est-à-dire qu'ils végètent, s'ils ne sont pas déjà morts, ça peut nuire. Sauf que l'être humain qui se réchauffe, posez des questions, essayez d'y répondre, supportez vos idées, changez pas d'idée parce que tout le monde a une idée contraire, ça réchauffe. Obstinez-vous mentalement, pas égoïquement, ça réchauffe. Lentement, ça va revivifier des parties du cerveau et la génétique va finir par être personnalisée, c'est-à-dire que vous aurez un mental personnalisé, un ego et un astral personnalisé, un corps vital personnalisé et finalement un corps physique personnalisé. Cela veut dire que votre génétique n'aura plus rien à voir avec la génétique de vos parents, donc elle ne vous plafonnera plus. Ça se fait comment? En continuant à faire ce qu'on fait. Ça prend combien de temps? Ça prend le temps que ça prend, plus ou moins. La culpabilité touche l'âme. La culpabilité s'est exclusivement placée dans les archétypes de l'âme pour que l'âme et l'ego continuent à croire qu'il a un libre arbitre, de façon à ne jamais voir qu'il est manipulé, de façon à ne jamais voir qui est le maître qui le force à souffrir et à faire des conneries. Alors, la culpabilité l'occupe. Chaque fois qu'un individu se rend compte qu'il a mal fait, l'énergie de sa découverte, au lieu de servir le mental, est consumée en culpabilité, alors il le sait et il n'évolue pas plus. Jusqu'au jour où, à travers la souffrance, il pourra s'en sortir. La culpabilité, ce n'est pas mental. Vous faites une connerie, vous en rendez compte. Est-ce que ça vaut la peine qu'on parle? Non. Bon. Alors, si vous la refaites, c'est parce que vous êtes encore endormi, que vous êtes senti coupable avant ou pas, ça ne va rien changer. Puis si vous n'êtes pas endormi parce que vous êtes suffisamment réveillé, vous ne la referez pas. Ça ne vaut même pas la peine qu'on en parle. As-tu vu ce que tu as fait? Oui. C'est con. Il n'y a plus rien à dire. Plus rien à dire. Plus rien à dire. L'individu le sait, il n'y a plus rien à dire. Pas la peine de crier après. Oui, je vois que c'est con, mais pourquoi tu l'as fait? Parce que je ne savais pas avant de le faire. Pourquoi reste-t-on froid devant les gens qu'on aime le plus? On pourra se référer à une conférence, l'amour n'existe pas. Ceux qu'on aime le plus nous aiment. Ceux qui nous aiment nous manipulent, nous torturent. Alors, quand on s'ouvre trop à ceux qui nous aiment, ils ont plus de connaissances de nous. Donc, plus de clés pour nous ramasser. L'ego, le sachant, le vibrant, est toujours limité. C'est dangereux de s'ouvrir à quelqu'un qu'on aime parce qu'on va se faire ramasser les culottes à terre. C'est pourquoi l'ego résiste énormément. Par contre, dans l'amour intelligent, ce qui va se vivre chez l'humain qui vivra son éclatement de l'âme, chez l'enfant nouveau, chez l'homme nouveau, chez la femme nouvelle, dans l'amour intelligent, on s'ouvre. Parce que c'est plus l'ego qui dirige le phénomène de l'amour. Alors, on arrive devant quelqu'un, on lui dit, « Tu sais que je t'aime. » Et la personne te dit, « Bon, ben si tu m'aimes, d'abord, donne-moi donc 5 piastres. » Et l'être humain qui aime d'une façon intelligente va dire, « Je ne donne pas 5 $. Ça n'a vraiment rien à voir avec le fait que je t'aime. » Et l'individu, il vous répond, disons, un enfant, ça m'arrive de temps en temps, « Oh, ben je t'aime plus. » Pas grave, je t'aime pareil. Je te parlerai plus. » Ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu n'auras pas plus, tu n'as rien à voir. Pas manipulable. Tandis que l'homme qui vit d'un amour psychologique, s'il aime, il est mal pris. Il suffit juste qu'un enfant vous dise « Mais je t'aime plus » pour massacrer convenablement un ego qui a besoin de se nourrir de l'onde de forme de l'enfant, qui a besoin de le téter. Alors, il risque de lui donner. C'est pourquoi on reste froid, on se protège. C'est pourquoi on aime se confier bien souvent à notre chien. Hein? Parce qu'au moins, il ne peut pas parler et revirer ça contre nous autres. Une bonne chose. Deuxièmement, on se confie aussi à des gens avec qui on a un contrat moral, un contrat tacite, pas un contrat écrit, comme quoi que je te compte tout, ça permet à mon ego de vider un peu d'énergie, mais le contrat qu'on a, même si on ne le dit pas, c'est qu'on oublie tout ce qu'on se dit l'un l'autre. C'est comme parler à une plante, parler à un poteau. Alors, on a de temps en temps des confidents qui ne nous touchent pas. Puis bien souvent, on se confie, on se confie, on se confie, puis maintenant, on s'éloigne. Quel but peut-on donner à la vie si on n'a pas de libre arbitre? C'est pas ça la question. Quel but peut-on donner à la vie si on n'a pas la conscience? Le libre arbitre n'a rien à voir. Admettons que tout est tellement bien fait, tout est tellement parfait que ça ne vaut même pas la peine d'avoir un libre arbitre. Tout ce que vous voudriez faire, c'est ce que de toute façon vous allez faire. Donc c'est correct. C'est la conscience. Quel but peut-on donner à la vie lorsqu'on arrive à une transition où on refuse les vieilles formes puis on n'est pas encore capable de voir les choses? Tout ce que je peux dire, c'est patienter. Votre tête vient de sortir de la brume. Un œil voit dehors, l'autre œil voit dans la brume. Le cerveau associant les deux visions crée un monde qui est illusoire. On pose une question qui s'adresse à un monde. La réponse provient de deux mondes. Elle ne s'applique pas à ce monde-là. On pose une question qui provient d'un autre monde. La réponse provient des deux mondes. Elle ne s'applique pas là. Finalement, chaque question qu'on voudra avoir une réponse, la réponse ne s'appliquera pas. Parce qu'on est juste trop voyant, juste pas assez. On doit prendre patience, manger des cornflakes. Quelle est la différence entre éternité et immortalité? Immortalité veut dire qu'on ne meurt plus du point de vue de la conscience. Éternité veut dire que le corps physique ou que la conscience ne subit plus le facteur du temps. Éternité implique l'absolue absence d'évolution. L'immortalité implique la continuité de la vie, continuité de la croissance, continuité de l'évolution. L'être humain deviendra immortel bien avant d'être éternel. Éternel, il n'a plus de croissance, le temps n'existe plus, donc il ne peut plus être expérientiel, il n'expérimente plus, il est existentiel pendant ce contact avec l'éternité, et par la suite, il n'est même plus existentiel, n'existant plus dans un continuum spatio-temporel, il est donc éternel, sorti du temps. Comment éduquer l'ego? En venant à des conférences, on éduque l'ego. En écoutant la télévision, on éduque l'ego. En lisant les journaux, on éduque l'ego. En lisant des livres, on éduque l'ego. En parlant avec n'importe qui, on éduque l'ego. Chose certaine, chaque fois que vous faites une chose qui est inécologique et que vous l'observez, juste le fait d'observer éduque l'ego. Ça ne vaut même pas la peine d'y parler. Comment on éduque l'ego? En continuant à faire ce que vous faites déjà au maximum de vos capacités. Sachez une chose, l'évolution est exponentielle. Plus ça monte, plus vite ça monte. Alors, on ne peut pas dire, oui, mais ça fait 15 ans là que... Pas grave. Les 5 prochains mois peuvent être l'équivalent des dernières 15 années. Alors, le temps du passé, oubliez le passé. Pourquoi ne pas avoir la liberté de presse cosmique? La liberté. La presse cosmique, ce serait plus simple que de construire des armes, les détruire, etc. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde refroidi. L'être humain s'illusionne que le monde a été créé parfait. Et le monde a été créé. Le fait que le monde a été créé implique nécessairement qu'il est imparfait. Il est créature. Il est mémoriel. Il n'est pas éternel. C'est un accident, de toute façon, la création. L'homme est intentionnel. Il est la solution créationnelle. Mais la création est un accident du point de vue de notre monde, de notre conscience. Et on ne crée jamais un accident parfait. Alors, il y a donc des nécessités, des travaux, des ceci, des cela. On va y revenir à un moment donné. Et ici, ma petite. Il n'y a aucun libre arbitre. Alors, comment peut-il y avoir différents futurs possibles au niveau individuel et a fortiori au niveau collectif? Si on dit que c'est déjà accompli, ça risque de ne pas arriver. Si on dit que c'est à accomplir et que ce n'est pas sûr, ça risque d'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de libre arbitre? La conscience est libre. Votre conscience vit dans un monde génial. Votre conscience peut courber l'espace-temps dans lequel nous vivons. En une période de questions comme ça, on risque pas trop peut-être de saisir. Je vais quand même répondre. Et puis, la conscience peut passer de 1988 à l'an 3022 sans problème. Alors, moi, ce que je fais, je vous prends et je vous endors. On vous place en état d'hibernation pendant 2000 ans. Lorsqu'on vous réveille, vous allez avoir l'impression d'avoir dormi 5 minutes. Mais tout le monde est là, mais c'est un autre monde. Alors, vous n'aurez pas souffert, vous n'aurez rien fait. Mais votre corps aura traversé le temps quand même. Le corps aura suivi au complet la courbure traditionnelle, dans la ligne droite du temps. Alors que votre conscience, non. N'étant plus capable de rester dans le corps physique, elle a carrément cheminé vers, ouf, là où le corps se réveille. Alors, vous ne serez pas plus évolué. La conscience a cheminé, parce que le corps était bloqué, et la vie restait dedans. Mais il y a une autre façon, lorsque l'individu vit une évolution, lorsque sa densité augmente, lorsque la masse énergétique de sa conscience augmente, il courbe l'espace-temps proche de lui. L'espace-temps de son évolution qui n'a rien à voir avec la très, très lente translation de notre planète autour de son soleil. Alors l'individu courbe le temps. Les futurs possibles? Votre corps physique est passé par tous les chemins. Les prémices de la conscience, elles, marcheront à l'ADA ou en Rolls-Royce. Ce n'est pas un libre-arbitre. Quand vous êtes dans la ville de Montréal et que vous venez ici au centre, vous avez le choix de plusieurs chemins. Ce n'est pas un libre-arbitre. Vous ne pouvez pas traverser les murs, traverser les maisons, apparaître ici. Vous avez des choix. Ce n'est pas un libre-arbitre. Et en plus, vous prendrez le choix qui est le plus inculqué dans votre ego ou le choix que l'extérieur va manipuler. Il y a un accident quelque part, on fait un détour, etc., etc., etc. Par contre, lorsque la conscience apparaît dans l'homme, inconsciemment, la conscience le manipule. Ce n'est pas un libre-arbitre. Il va partir 5 minutes avant l'accident. Il n'aura pas besoin de faire de détour. Ce n'est pas un libre-arbitre pour l'ego. Mais il commence à marcher en Rolls-Royce. Le Saint-Suaire analysé est-il l'original? L'original n'a pas été trouvé. Par contre, les phénomènes astrales ont engendré cette croyance. Parce que le suaire ayant été caché pour ne pas créer d'onde de forme religieuse trop puissante, l'astral d'égrégore de la chrétienté en a réénergisé un autre. Si oui, comment expliquer la différence dans l'évolution de son âge? La réponse était donc non. Sinon, de quelle façon le foie a-t-il été conçu? Il a été conçu lorsque énormément de gens dans le passé ont cherché le suaire. Preuve. Et le cherchant et priant pour sa recherche, comme on a prié pour la quête du Graal, on en a trouvé un. Et étant donné que la première chose que l'on trouve lorsqu'on est croyant, on la catalogue comme étant en plein sort, c'était suffisant. On l'a accepté. Intelligence prémentale et mécanique. On a encore le temps. Les entités extraterrestres ont accès à cette intelligence. Ont-elles accès à cette intelligence? Non. Ces entités sont supportées par nos souffrances dans le monde de notre planète? Oui. Si les trois énoncés précédents sont vrais, les entités extraterrestres ont intérêt à maintenir le statu quo et donc comment pourrons-nous nous en sortir? Premièrement, les extraterrestres devront obligatoirement rencontrer des terrestres extra. Ils ne peuvent pas faire affaire avec des animaux humains. Deuxièmement, l'extraterrestre est un phénomène énergétique qui n'est pas suffisamment terrestrifié, donc densifié. Donc, dans son apparence, il est plus évolué que l'être humain. Mais dans le temps évolutif, il est en phase de descente. L'extraterrestre est donc en phase d'involution. Sa seule solution, et il le sait, c'est d'aboutir sur un être cosmique qui est dans une phase d'ascension. Sinon, il devra vivre la matière, la souffrance, l'oubli, l'inconscience, l'époque des cavernes, le retour par la suite dans l'ascension. Le phénomène extraterrestre essaie donc de rencontrer des génétiques humaines pour s'associer à elles, en se fusionnant à la conscience de l'homme et en dominant la conscience de l'homme. Alors que l'homme, après ce qu'il a fait, doit dominer la conscience extraterrestre et s'en servir. C'est pourquoi l'extraterrestre devra rencontrer un terrestre extra. J'ai expliqué souvent, je fais cela vite. L'extraterrestre qui reste sur notre planète Terre plus que quelques jours disparaît. Il devient un extraterrestre sans conscience et finalement il devient une grenouille, un crapaud, de la bouette. Oh, il n'y a pas une grenouille qu'on peut collectionner ou manger, mais il devient un batracien, il devient une cochonnerie. Et l'intuition humaine fait en sorte que tous les films d'extraterrestres le démontrent. Alors, on fait référence à E.T. qui doit sacrer son camp avant 30 jours. Il puise l'énergie vitale du petit gars, sinon il meurt. Starman, il y a quelques jours, quelques mois avant de s'en sortir, sinon il meurt. On fait référence à n'importe quel film de type extraterrestre. Les extraterrestres, notre contexte planétaire, ne peuvent pas rester. Militairement, tous ceux qu'on a retrouvés comme extraterrestres étaient mourants et avaient un corps physique incapable de créer les engins qui les auraient amenés. Leur corps se désagrège, ils sont en phase d'évolution. Notre planète ayant une densité, une masse, une gravitation telle que l'énergie est totalement appuyée, puisée par notre contexte planétaire, et l'animal extraterrestre apparaît rapidement. L'homme est le seul qui a la faculté de maintenir sa conscience. Voulez-vous savoir qu'il peut évoluer? Prenez un homme, une femme, tout nu. Un extraterrestre, tout nu. Vous rirez un peu quand vous le verrez. Et après, vous les placez dans le même problème. Et lequel va s'en sortir? Ce ne sera pas l'extraterrestre. Comment allons-nous nous en sortir? Nous allons nous en sortir. Nous avons créé nous-mêmes nos problèmes. Nous sommes donc des spécialistes. Est-ce que les gens qui ont des maladies affectant le système hormonal, exemple, certaines maladies affectant la glande thyroïde, ont plus de facilité à faire fondre leur âme dû au fait que cette dernière s'exprime mal par ses hormones? Pas nécessairement, ça dépend de l'ego qui habite le corps. Devons-nous considérer que les producteurs cinématographiques sont à l'avant-garde des courants qui nous toucheront? Ce sont des artistes. Étant des artistes, ils ont une sensibilité dans le monde de la mort. Et il y a une sensibilité à traduire l'expérience du monde de la mort dans l'art, dans la chanson, dans la pellicule, dans la sculpture, dans n'importe quoi. Nécessairement, le monde de la mort étant dirigé par la contingence supramentale, ils ont accès à attirer sur le plan planétaire des mécanicités supramentales colorées par le monde de la mort, ce qui va faire que certaines personnes vont écrire des livres comme la Cosmogonie d'Urantia, les livres d'Alice Bailey, de Blavatsky ou d'autres. Donc, nécessairement, ils ont la faculté d'avoir comme voyant, comme artiste, un petit pas d'avance sur certaines choses, ils traduisent et aident donc l'humanité, l'ego, à s'instruire pour se préparer à des choses. La grenouille et la baleine. Exemple de film. Ai-je bien compris la différence entre l'âme et l'ego? Ça, c'est une bonne question. Si je prends l'exemple de la cigarette, que c'est le contrôle de l'âme qui fait que je cesse et pas la suite, et par la suite mon ego qui devra se placer devant l'envie de recommencer. Exactement. Lorsque l'énergie libère l'ego, l'ego peut reprendre l'idée archétypale, l'habitude, la sécurité de se replacer. Il faut bien comprendre que la cigarette et la nicotine ont une faculté maudite, très intéressante du point de vue de l'évolution, de remplacer certaines protéines que le corps sécrète au niveau du cerveau, ce qui fait en sorte que ces protéines ont une raison d'être et elles viennent bloquer les trous interneuroniques et intercellulaires, et cela crée une masse cérébrale. Lorsque ces protéines sont remplacées par la nicotine, il n'y a pas de changement. Lorsqu'on cesse de fumer, il manque de nicotine. Si le corps, parce qu'il est paresseux, a cessé de sécréter ses protéines, le cerveau va vivre un effondrement qui crée un stress psychologique terrible. Alors l'individu a ce besoin de nicotine qui est biologique. L'acupuncture peut aider en restimulant la sécrétion protéinique et ce n'est pas une question de volonté. Bon, c'est ça, c'est évident. Alors moi, j'ai la volonté, j'ai arrêté comme ça. Ben ouais, pas de faire. Par contre, tu continues à sacrer, tu n'es pas capable d'arrêter. Tu continues à coucher, tu n'es pas capable d'arrêter. Tu continues à broyer, tu n'es pas capable d'arrêter. Volonté, ouais, mon œil. Est-ce mon âme qui fait que j'ai souvent l'idée du suicide dans la tête? Oui, bien évidemment. Bon. J'ai subi 3 anesthésies générales en 1 mois et demi. Nécessairement, pendant les anesthésies générales, ça permet quand même à plus de facteurs réincarnationnels de se réincarner. C'est évident. Par contre, une fois digéré, on a plus d'énergie. Avant cette expérience, j'étais déjà dans une situation émotionnelle et financière très difficile et là, je suis complètement désarmé, démoralisé. Est-ce dû à ces anesthésies? Si oui, comment récupérer l'adrénaline? C'est pas l'adrénaline qu'il vous faut. Comment récupérer? Vous allez devoir marcher lentement, sortir, observer les choses. Et le suicide, même si vous le pensez, observez simplement que vous pensez au suicide. Faites juste l'observer. Luttez pas contre l'idée, vous allez l'énergiser. Soyez pas pour, vous allez vous suicider. Faites juste observer, ça vous appartient pas le suicide. Et tout ce qui pénètre dans l'homme, quelle que soit la raison, appartient à l'âme. Ce n'est pas vous. Ça manipule, ça pense dans votre tête. Vous êtes capable de parler contre. Vous pensez au suicide et vous dites, bon ben je pense au suicide, je me suiciderai pas. Ça c'est la parole. La parole c'est l'intelligence qui s'exprime. La pensée c'est le monde de la mort qui s'exprime. Vous avez juste à vous promener, à regarder le monde et lentement, vous allez restimuler votre ego. Ça va digérer ce qui est là. Mangez aussi un peu plus d'ail, ce qui colle le corps vital au corps physique. Et en même temps, mangez un peu plus vivant, des légumes, des choses dans le genre, redonnez un peu de vie. Dormez un peu, puis cessez de vous en faire. Dernière question. Si brusquement, sans s'attendre, quelqu'un vit une expérience de plénitude ressentie comme de l'amour, ça c'est l'interprétation de l'ego. Il a simplement eu une ouverture au niveau d'un canal d'intelligence. Une présence forte et harmonieuse, le pénétrant totalement. Peut-on appeler ça une fusion astrale? Non, par contre, c'est un contact avec les hautes sphères spirituelles du monde de la mort ou avec simplement un ajusteur de pensée. Est-ce annonciateur d'une fusion au niveau mental ultérieurement? Oui, c'est annonciateur ultérieurement entre les 5 prochains mois et les 3000 prochaines années. La semaine prochaine, le syndrome de l'enfant Teflon, ça regarde ceux qui ont des enfants, ça regarde aussi ceux qui habitent l'homme et l'adulte déjà en tant qu'ego. En attendant, faites attention, il peut neiger.